بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 7 dans l'explication du livre Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Al-Wajibat, Sharh Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima, écrit par le Cheikh Abdullah Ibrahim Al-Qar'awi et avec le Sharh de Cheikh Ahmed Al-Najmi. Et donc, comme on a expliqué au début du livre, que ce sont des points qui ont été tirés de différents écrits du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab et rassemblés ensemble dans ce livre, des points bénéfiques de la foi et des fondements de la croyance, le Tawhid et tout ce qui est relié aux principes fondamentaux de l'islam. Et on était en train d'expliquer justement un aspect très important de la religion qui consiste à expliquer ce qui vient annuler l'islam d'une personne, ce qu'on appelle nawaqid de l'islam. Nawaqid, c'est le pluriel du mot naqid, et c'est traduit souvent comme étant les annulatifs de l'islam, c'est-à-dire les croyances et les actions et les pratiques que quelqu'un peut faire et qui annule sa foi, qui le fait sortir de la religion. Donc le premier parmi ces annulatifs, on avait mentionné le shirk et on l'a expliqué avec des preuves. Maintenant on est arrivé au deuxième point parmi les annulatifs de l'islam, et c'est un point qui est relié au premier parce qu'il y a un lien avec le shirk dedans, sauf que c'est un aspect plus spécifique du shirk que certaines personnes parfois confondent. Donc c'est important de le clarifier. Et c'est man ja'ala baynahu wa bayna Allah wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu 'alayhim faqad kafara ijma'an. Et donc ici le deuxième annulatif de l'islam, c'est de placer entre soi-même et Allah des intermédiaires qu'on invoque et auxquels on demande l'intercession et sur lesquels on met notre confiance. Et ça, c'est une forme de mécréance selon le consensus des musulmans. Et donc, Cheikh Ahmed Al-Najmi, il explique cet annulatif de l'islam et il dit « Aqul, al-adillatu ala hadha al-naqid » هي الأدلة على الناقد الأول إذ إن هذا يعتبر نوعا من أنواع الشرك والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون انفراد الله بالربوبية وأنه لم يشاركه أحد في خلق الخلق ولا رزقهم ولا إحيائهم ولا إماتتهم، وإنما كانوا يعبدون معبودات يزعمون أنها وسائط بينهم وبين الله، ويطلبون منهم الشفاعة، أي أن يقربوهم إلى الله زلفا. ولهذا فقد جاء في آيات كثيرة إلزام المشركين بأن ما يفعلونه خطأ فاحش وكفر بقدرة الله عز وجل واتلاعه وهيمنته. فإذا كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وأن الآلهة التي يدعونها لم تخلق شيئا ولا تملك لها ولا تملك لها ولا لهم نفعا ولا ضرا. ومن ذلك قول الله عز وجل بعد أن ذكر شيئا من صفات كماله في سورة فاطر، قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Donc ici le cheikh, il commence à expliquer, cheikh Ahmed al-Najmi, cet annulatif. Et il dit que l'épreuve de ce deuxième annulatif, parmi les annulatifs de l'islam, eh bien, cet annulatif a les mêmes preuves que le premier annulatif, c'est-à-dire le shirk. Parce que cette forme, cette deuxième annulatif, qui est le fait de prendre entre soi-même et Allah des intercesseurs et des intermédiaires, eh bien, c'est considéré comme une forme de shirk. Une forme parmi les formes de shirk. Donc, on peut utiliser les preuves qu'on a mentionnées pour le premier annulatif. On peut utiliser ces preuves-là pour le deuxième annulatif également. Puisque c'est une catégorie parmi les catégories de ce premier annulatif qui est le shirk. Et les mushrikoun, ceux qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le peuple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi lesquels il est venu en premier pour les appeler à l'islam. Ces gens-là, il ne faut pas croire que c'était des athées ou que c'était des gens qui croyaient pas en l'existence d'Allah ou que c'était des gens qui croyaient en plusieurs Allah. Non, ils croyaient qu'il n'y avait qu'un seul Allah, une seule divinité absolue. D'accord? Et il savait que Allah existe, et que c'est lui le créateur, et que c'est lui qui donne la subsistance, et que c'est lui qui fait vivre, qui fait mourir. Hein? Donc, pour certains, parmi les gens d'aujourd'hui, ils considéreraient que cette croyance-là est une croyance monothéiste. Hein? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, si tu leur demandes qu'est-ce que c'est un monothéiste, ils vont te dire c'est quelqu'un qui croit en un être suprême, qui a tout créé, qui est le maître de tout. Et ça, c'est la définition chez les chrétiens, chez les juifs, chez les athées. Même si tu leur demandes qu'est-ce que c'est le monothéisme, ils vont te dire que c'est ça. Mais ils vont même pas tenir compte du fait que, même si ces gens-là reconnaissent l'existence d'une divinité unique et toute puissante, mais en même temps, ils permettent et ils acceptent qu'il y ait des intermédiaires entre les hommes et cette divinité-là. Et qu'on puisse adorer d'autres divinités en même temps que de croire en l'existence d'un Dieu unique. Et c'est ça en réalité qui fait que beaucoup de gens sont tombés dans le shirk en croyant être monothéistes ou en pensant croire en un Dieu unique. D'accord? Donc c'est pour cette raison-là que beaucoup même des chercheurs aujourd'hui à notre époque qui étudient par exemple en anthropologie et qui étudient les anciennes sociétés arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'époque pré-islamique, eh bien quand ils lisent l'histoire de l'islam et l'histoire, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il a appelé son peuple au tawhid et à la ilaha illallah, eh bien, ils sont dans la confusion, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi? Pourquoi le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a combattu ces gens-là et les a appelés à croire en un Dieu unique alors qu'ils croyaient déjà à un Dieu unique? Donc, ils sont devant cette question, puis ils ne comprennent pas la réalité de la réponse à cette question-là. Et une des raisons pourquoi ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la réalité de ce que signifie le monothéisme réellement. De la même manière qu'ils ne comprennent pas non plus la réalité du polythéisme. Ces deux termes, monothéisme et polythéisme, que beaucoup de gens utilisent, eh bien, ce sont des termes très ambigus et qui ne sont pas précis du tout. D'accord? Et c'est pour ça que c'est important de les définir correctement et, bien entendu, en se basant sur les preuves de la révélation. Parce que si on essaie de définir le monothéisme selon notre logique, ou selon la philosophie, ou selon notre pensée, c'est sûr que chaque personne va sortir avec sa propre définition de qu'est-ce que peut être un monothéisme pour lui. D'accord? Il y en a même des gens qui disent que, par exemple, le bouddhisme, c'est une forme de monothéisme. Parce qu'ils disent que, finalement, ils croient en un être, hein, ou bien plutôt à un esprit ou un âme universelle, et que tout est compris dans cette âme-là, que tout ce qui existe est cette âme-là, et même parmi les soufis, hein, ceux qui croient en Wahdatul Wujud, l'unicité de l'existence, ils disent tout ce qui existe est Allah, et Allah est tout. Donc, il n'y a pas de créateur et il n'y a pas de créature. Tout ce qui existe est Allah. Et il ne faut pas distinguer entre le créateur et la créature. Il faut voir tout comme étant un tout. Et pour eux, ça c'est du tawhid. Hein? Et en réalité, bien entendu, c'est l'origine et la base même du shirk. Parce que ça signifie qu'on ne distingue plus entre le créateur et la créature, entre Allah et sa création. Donc ça veut dire qu'on ne reconnaît pas à Allah une existence distincte. Hein? Donc tout ça c'est pour dire que c'est très important lorsqu'on parle du tawhid de bien comprendre de qu'est-ce qu'on est en train de parler réellement. Et c'est pas seulement de croire en la rububiyya, parce qu'on sait que le tawhid est divisé en trois catégories: tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma wa sifat. Et ça on va y revenir justement dans le livre un peu plus loin. Mais ces trois catégories de tawhid là, elles se complètent. Tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire le fait de croire en l'unicité d'Allah dans sa souveraineté et dans sa seigneurie, c'est-à-dire de croire que Allah Azza wa Jal, c'est lui seul qui a tout créé et qui est le maître de toutes choses et qui fait vivre et qui fait mourir, et que c'est lui seul qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers et qui gère tout. D'accord? Donc ça c'est un aspect du tawhid que même certains mushrikines acceptent. Et l'exemple du peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes à l'époque, eh bien ils croyaient en cet aspect du tawhid qui est la rububiyya. Et beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de monothéisme, eh bien ils considèrent que d'être un monothéiste, c'est d'affirmer la rububiyya. Sauf que ils ne tiennent pas compte des autres catégories de tawhid qui sont plus importantes encore même, c'est-à-dire que si on les néglige, on tombe dans l'idolâtrie et dans le shirk, même si on reconnaît la rububiyya. Et l'exemple de ça, c'est le tawhid dans l'adoration. D'accord? Et donc, le shirk, il explique ça, il dit par exemple, les Arabes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il croyait en la rububiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la rububiyya. Et le fait que Allah est le seul Seigneur, le seul Maître, le seul Créateur, le seul qui est tout puissant et qui contrôle tout. Sauf qu'il croyait également en même temps qu'il pouvait prendre comme intermédiaire pour se rapprocher d'Allah des êtres humains, des anges, des hommes pieux, des femmes pieuses, des tombes, des arbres, des pierres, des astres, hein, le soleil ou la lune ou des étoiles, et que ces êtres-là ou ces créatures-là pouvaient aider les hommes à se rapprocher d'Allah. Donc, ils considèrent que du moment qu'ils cherchent à se rapprocher d'Allah par l'intermédiaire de ces créatures-là, que ça, c'était pas une forme de shirk. De toute façon, puisque l'objectif ultime, c'était d'atteindre Allah. Donc, ils s'imaginent que parce que leur but, c'est d'atteindre Allah, même si on passe par des créatures, pour eux, ils disent donc c'est pas du shirk, hein, puisque c'est pas notre objectif absolu d'adorer ou de prier à ces êtres-là directement. D'accord? Sauf que le résultat est le même. Le résultat est le même puisqu'il s'adresse à des êtres et à des créatures qui ne possèdent rien et qui ne contrôlent rien et qui n'ont aucun pouvoir et qui n'ont aucun statut, même s'ils avaient un statut auprès d'Allah comme les anges rapprochés ou les prophètes que Allah a envoyés, même ceux-là, ils ne peuvent pas intercéder pour quelqu'un que Allah n'a pas agréé, par exemple. Et ils ne peuvent pas intercéder non plus sans la permission d'Allah, puisque l'intercession appartient tout entière à Allah. Allah dit dans sourate Az-Zumar, قُلِّ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Donc ça veut dire que l'intercession tout entière appartient uniquement à Allah, et donc personne ne peut intercéder sans sa permission, et personne ne peut intercéder excepté pour la personne que Allah a voulu et que Allah a permis. Donc, cette attitude de vouloir mettre entre soi-même et Allah des intermédiaires et des créatures pour se rapprocher d'Allah, ça c'est considéré en soi comme une forme d'idolâtrie et de shirk. Même si tu crois en la rububiyya, même si tu crois que Allah est le seul créateur et le seul maître. Hein? Et c'est l'exemple du shirk de beaucoup parmi les mushrikines qui se prétendent monothéistes. Comme par exemple les chrétiens, ils font beaucoup de ce genre de shirk, malgré que les chrétiens ont du shirk même dans la rububiyya. Même dans la rububiyya, parce qu'ils associent au Seigneur d'autres créatures. Mais ils ont du shirk aussi dans l'adoration, et ils ont du shirk dans les noms et les attributs. Donc ils font le shirk, les chrétiens font du shirk dans les trois catégories de tawhid. Ils contredisent le tawhid dans les trois catégories. Dans la rububiyya, dans l'adoration, al-ibada, et dans al-asma al-sifat. Donc ils font le shirk dans toutes les trois catégories. Tandis que d'autres, ils font du shirk seulement dans une catégorie, c'est-à-dire le shirk dans l'adoration. D'accord? Et en général, ceux qui font le shirk dans la rububiyya, ils font le shirk dans l'adoration aussi. Et des fois, ceux qui font le shirk dans l'adoration, ils font aussi le shirk dans la rububiyya par analogie ou bien par conséquence. Donc tout ça pour dire que, comme le cheikh explique ici, les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en l'unicité d'Allah dans la rububiyya, et que personne n'était son partenaire, il n'avait pas de partenaire, il n'avait pas d'associé dans la création du monde et de tout ce qui existe. Donc Allah, pour eux, Allah n'avait pas de partenaire dans la création qu'il a créée. Et il n'avait pas non plus de partenaire dans le fait de donner la subsistance ou de faire vivre ou de faire mourir. Hein? Il ne faisait que se rapprocher d'Allah en passant par l'adoration de certaines créatures, des êtres qu'ils adoraient, et ils considéraient ou ils pensaient que ces êtres-là pouvaient intercéder auprès d'Allah et être des intermédiaires entre eux et Allah. Et il leur demandait l'intercession, c'est-à-dire, il demande à ces créatures de les rapprocher d'Allah. Hein? Donc c'est ça qu'il faisait. Et le cheikh, il dit, et il y a beaucoup de versets dans le Coran qui imposent aux mushrikines, par rapport à ce qu'ils font comme pratique, et qu'est-ce qu'ils ont comme croyance, que ce qu'ils faisaient en prenant des intermédiaires entre eux et Allah était une erreur totale et une forme de kufr, hein, une forme de kufr, c'est-à-dire une forme de rejet de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal et de sa connaissance de toutes choses et de son contrôle absolu au-dessus de toutes les créatures. Et malgré ça, ces gens-là disaient qu'ils croyaient en le fait que Allah est le créateur. Hein? et que toutes les idoles qu'ils adoraient, les statues, les images, les arbres et les autres choses, ils étaient convaincus qu'elles ne pouvaient rien créer. D'accord? Et tu vas voir, par exemple, aujourd'hui même, des bouddhistes ou des hindous ou des gens de d'autres croyances qui prient à des images ou à des statues, ils savent avec certitude que les statues devant lesquelles ils se prosternent n'ont aucun pouvoir. Elles ne peuvent rien créer. Elles ne peuvent rien donner comme subsistance. Elles n'entendent rien et elles ne voient rien. Ils savent ça avec certitude. La raison comment ils le savent, une des choses qui établit pour eux que ça, c'est des choses qui sont certaines, c'est que, yani, c'est eux-mêmes qui les ont fabriquées avec leurs propres mains, déjà. Donc, si tu fabriques une statue avec tes mains, tu sais très bien que l'origine de cette statue-là, c'était un morceau de roche ou de bois ou de pierre qui n'a aucun pouvoir à l'origine. Donc, comment le fait de sculpter ce morceau de roche ou de pierre ou de bois et d'en faire une statue lui donnerait des propriétés ou des qualités divines? Ça, c'est pas possible. Ça voudrait dire que c'est les êtres humains qui ont créé, hein, ces qualités-là. Ça, c'est impossible. Et ils le savent. Et également, une autre raison aussi qui prouve que ces gens-là n'ont pas le choix de savoir que ces créatures-là ou ces statues-là n'ont aucun pouvoir, c'est que s'ils décidaient de les prendre, ces statues, et de les casser, eh bien, ces statues-là ne pourraient même pas se protéger ou se défendre elles-mêmes. Hein? Et c'est comme l'exemple de l'époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On raconte qu'il y avait un chien qui était rentré dans l'endroit où se trouvaient les statues, et le chien a uriné sur une des idoles. Et un des Arabes qui était là, qui a vu la scène, qui a vu ce qui s'est passé, il a même fait un poème sur ça. Et il a dit, est-ce que on va nous adorer des créatures ou des choses? Et ils sont même pas capables d'empêcher les chiens d'uriner sur eux, alors que nous on leur demande, alors qu'ils sont même pas capables de chasser un chien. Donc tout ça c'est un exemple. Même dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il donne un exemple encore plus grand que ça, l'exemple de l'idole avec la mouche. Hein? Les gens donnent à l'idole de la nourriture. Des choses pour boire, des choses pour manger, des fruits, hein? Ils leur donnent ça devant eux, comme, je sais pas, ils savent très bien qu'ils vont pas les manger, mais la mouche, elle vient, elle mange, elle boit de ça, de qu'est-ce qui est offert à l'idole, elle mange, elle boit là-dedans, et puis elle s'envole avec, et l'idole peut rien reprendre, hein, de ce que la mouche a pris. Donc, c'est-à-dire que c'est la preuve que l'idole, elle est faible, et plus faible qu'une mouche. D'accord? Donc, ça, c'est la preuve que on n'a pas le droit de croire que ces idoles-là, ou que ces divinités-là, ont un pouvoir de créer ou de posséder quoi que ce soit, et qu'elles ne peuvent ni faire du bien, ni pour elles-mêmes, ni pour les autres. Et donc, il dit, le cheikh, que Allah Azza wa Jal, il a établi ça clairement dans le Coran. Et il a mentionné ses attributs de perfection dans Surat Fatir. Et puis, juste après, il commence à montrer justement l'incapacité et la faiblesse des idoles ou des êtres qui sont adorés en dehors de lui. Donc, il dit... C'est lui, il mentionne le verset 13, 14, 15 et 16 dans Surat Fatir, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: celui qui fait rentrer la nuit dans le jour et qui fait rentrer le jour dans la nuit, qui a assujetti le soleil et la lune, et chacun avance, yani, jusqu'à un terme fixé. Voilà votre Seigneur, Hein, voilà, voilà Allah, votre Seigneur, c'est à lui qu'appartient hein, le royaume. Tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule du noyau de la date. Hein? Al-Qitmir. Al-Qitmir, c'est la petite peau qui est au-dessus de la noyau de la date. Quand tu ouvres une date, il y a une petite pellicule par-dessus le noyau. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe Al-Qitmir. Donc, Allah Azza wa Jal, il dit, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, en dehors d'Allah, ils ne possèdent même pas cette petite pellicule sur le noyau de la date. Si tu les invoques, hein, ils n'entendent pas votre invocation. Et il dit, et même s'ils entendaient, ils ne pourraient pas leur répondre. Et au jour de la résurrection, ils vont renier hein, leur shirk, le shirk qu'ils faisaient. Donc c'est la preuve que de les invoquer, c'est du shirk. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Et personne ne peut t'informer hein, comme celui qui est parfaitement informé. Oh vous, les hommes, vous êtes les indigents hein, vis-à-vis d'Allah. Hein, vous êtes les pauvres hein, qui avaient besoin d'Allah. Tandis que Allah, il est le riche, celui qui se suffit à lui-même. Et il est le digne de louange. Et s'il veut, il va vous faire tous disparaître et ramener une nouvelle création. Et cela pour Allah, n'est pas du tout difficile. D'accord? Et le verset, ensuite, le cheikh, il mentionne d'autres versets dans ce sens-là. Le verset 3 dans Sourate Al-Furqan. Qala fi Sourate Al-Furqan. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ. Donc, il dit le Cheikh que Allah Azza wa Jal, il mentionne dans Sourate Al-Furqan, le verset 3, ce qui signifie, et ils ont pris, en parlant des mouchriquins, des idolâtres, ils ont pris en dehors d'Allah des divinités qui ne créent rien et qui sont elles-mêmes créées et qui ne détiennent pour elles-mêmes ni la capacité de nuire, ni la capacité de profiter. Et qui ne détiennent ni la mort, ni la vie, et ni la résurrection. Ou le pouvoir de faire revivre les morts. Donc tout ça c'est pour dire que ce que les mouchriquins adorent en dehors de lui, ceux en dehors d'Allah, ils n'ont aucun pouvoir et ils n'ont aucune des qualités de la rububiyya. D'accord ? Et par conséquent, ils ne méritent pas d'être adorés. Et on ne peut pas non plus leur demander quoi que ce soit. Donc quand tu vois par exemple les chrétiens, les juifs et les gens de différentes croyances qui demandent à des êtres qui sont morts ou qui ne sont pas présents ou qu'on ne peut pas voir, ils leur demandent des choses, hein, de l'aide, de la guérison, de la subsistance, ou d'autres choses, hein, que seul Allah Azza wa Jal peut donner. Donc, à quoi sert de demander à des êtres qui sont incapables de faire rien pour eux-mêmes, excepté par la permission d'Allah? Alors, pourquoi tu vas te fatiguer à demander à ces êtres-là, ou à ces créatures-là, alors que, yani, ils ne peuvent même pas rien faire pour elles-mêmes? Et tu laisses, hein, tu oublies de demander à celui qui a le pouvoir sur tout, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, le seul maître et le seul créateur. Donc ça ne fait pas de sens. Ça c'est un point important ici. Un autre verset que le Cheikh a cité, c'est le verset 22 dans Sourate Fatir, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, dit au Muhammad, dit aux mushrikin, invoquez ceux que vous prétendez, hein, ceux que vous prétendez adorer en dehors d'Allah. Ils ne détiennent même pas le poids d'un atome dans les cieux ni sur la terre. C'est-à-dire, même un atome, ils ne le possèdent pas. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ. Non seulement ils ne le possèdent pas, ils ne sont pas le maître ou le propriétaire de cet atome, et ils n'ont même pas de partenariat avec Allah dans cet atome. Ils n'ont aucune part avec Allah, parce que le cheikh, il explique, il mentionne ce verset-là, et ce verset-là, c'est un des versets par lesquels Allah Azza wa Jal a détruit toutes les prétentions des mushrikins à tous les niveaux. Donc il dit, ils ne sont pas partenaires non plus avec Allah dans cet atome-là, et il n'a aucun supporteur ou aide parmi eux. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il leur dit, ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ils ne possèdent rien, même pas un atome. Donc on a détruit la possibilité ou l'idée qu'il pourrait y avoir un autre maître avec Allah dans la création. Ensuite, s'ils viennent avec la prétention que non, il n'est pas le maître avec Allah, mais il est partenaire avec Allah dans cet atome. Allah Azza wa Jal, il dit, il n'a pas de partenaire. Hein? Donc ça élimine cette prétention-là encore aussi. Et s'ils disent, non, il n'est pas partenaire, mais il aide Allah dans cet atome, ou dans cette création-là. Et Allah Azza wa Jal, il dit, وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Il n'a aucun supporteur ou aucune aide de leur part. Hein? Aucun soutien ou aucun renfort. Il n'a besoin de personne pour l'aider dans quoi que ce soit. Donc ça détruit tout ce que les mushrikins peuvent essayer de prétendre pour essayer de justifier leur shirk et leurs intermédiaires. Après, il dit le cheikh, « بَلْ أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الزُّمَرِ بأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والآيات في هذا كثيرة والمهم أن الذين اتخذوا من دون الله وسائط يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم من دون الله ويتكلمون عليهم ويتوكلون عليهم فإنهم يعتبرون بذلك كافرين كما في خاتمة آية الزمار. Donc le cheikh, il dit, Allah Azza wa Jal, il nous a même informé dans sourate Az-Zumar que les mushrikin, ils disent, on les adore que pour qu'ils nous approchent plus d'Allah. Donc ils adorent les idoles et les intermédiaires et les intercesseurs parmi les créatures qu'ils prennent entre eux et Allah uniquement pour être rapprochés d'Allah un peu plus. Parce qu'ils s'imaginent que puisque ces êtres sont proches d'Allah, ils pensent que en les invoquant, ils vont pouvoir les aider à se rapprocher d'Allah comme des intercesseurs, comme des intermédiaires aujourd'hui dans la vie. Hein, si tu connais quelqu'un qui est à côté qui est proche du président, tu vas demander à cette personne, tu lui dis, aide-moi à me rapprocher du président. Et lui, il va t'aider, il va essayer de te donner un piston, comme on dit, pour te rapprocher du président. Hein? Mais Allah Azza wa Jal, il n'est pas comparable aux créatures de cette façon. Il n'y a personne qui a de faveur auprès d'Allah qui ferait que Allah serait obligé de les rapprocher de lui de cette façon. Et chaque personne qui veut se rapprocher d'Allah, la seule façon par laquelle il peut se rapprocher d'Allah, c'est par les bonnes œuvres et par la piété. Et tu peux pas te rapprocher d'Allah par la piété et les bonnes œuvres de quelqu'un d'autre. Hein? Chacun, il sera récompensé pour ses propres œuvres et ses propres actions. Et pour il sera puni pour ses péchés et ses mauvaises actions. Donc, c'est pas le fait de demander à une créature qui peut te rapprocher d'Allah. Au contraire, ça c'est quelque chose qui t'éloigne encore plus d'Allah, Azza wa Jal, parce que Allah déteste le shirk. Hein? Et il nous a ordonné de l'invoquer et de l'adorer directement, sans passer par des intermédiaires, sans passer par des intercesseurs. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il dit, yani Allah va juger entre eux sur ce dans quoi ils ont divergé. Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et qui renie la vérité. En fait, c'est important de faire la distinction, d'utiliser l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se rapprocher d'Allah en suivant ses exemples dans son adoration. Comment lui, il a adoré. Nous, on adore Allah selon son exemple. Ça, c'est la seule façon par laquelle on peut se rapprocher d'Allah. Mais il y a une différence entre ça, puis entre le fait de penser que en invoquant quelqu'un ou en adorant quelqu'un, que ça va te permettre de pouvoir te rapprocher d'Allah. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit, par exemple, en islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah et les hommes. Mais ça, c'est vrai, et en même temps, c'est seulement vrai dans le sens où on dit qu'on n'a pas à adorer, on ne passe pas par un intermédiaire pour adorer Allah. Sauf qu'il y a des intermédiaires dans l'islam entre Allah et sa création dans la transmission du message. C'est-à-dire, par l'intermédiaire, il y a les anges. Allah, il ne nous parle pas directement. Il passe par les anges pour transmettre la révélation aux messagers et il passe par les messagers pour nous faire transmettre son message à nous. Donc, entre Allah et les hommes, il y a des intermédiaires dans la transmission du message. Mais il n'y a pas d'intermédiaire qui est valide dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'être humain vers Allah. Lorsque tu adores Allah, tu dois l'adorer directement. Mais quand Allah s'adresse à nous, il passe par des intermédiaires pour nous transmettre sa révélation. C'est ça qu'il ne faut pas confondre. Tu vois? Parce que les koufars et les mouchriquins, eux, ils ne font pas de cette distinction-là. Certains d'entre eux, ils prennent des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah dans l'adoration, et ils prétendent même que Allah leur parle directement. Alors qu'ils ne sont pas des messagers, alors qu'ils ne sont pas des prophètes. Mais ils se prétendent être des prophètes ou des messagers indirectement. Et ça aussi, c'est une autre forme de kufr. Hein? Donc c'est ça qui est grave avec ces différentes attitudes de la part de ces gens-là. Et le cheikh, il dit qu'il y a beaucoup d'autres versets aussi qui expliquent ces points-là. Et donc il dit que qu'est-ce qui est important, donc, c'est que ceux qui prennent des intermédiaires, des intercesseurs en dehors d'Allah, hein, et qui leur demandent de l'intercession et qui les invoquent en dehors d'Allah et qui mettent leur confiance en eux, eh bien ces gens-là sont considérés comme étant des kuffars, comme c'est mentionné dans la fin du verset 3 dans sourate Az-Zumar, « Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar ». Il les a traités de kaffars, ça veut dire c'est des mécréants. Et aussi, ils rentrent dans cette catégorie-là ceux qui prétendent faire ce genre de demande d'intercession. Comme par exemple, ils disent, ça c'est pas du shirk, on fait le tawassul. Tawassul, qui vient du mot wasila, qui signifie de chercher un moyen, hein, pour se rapprocher d'Allah. Et ils disent, nous, on cherche un moyen pour se rapprocher d'Allah. Et ils pensent que ce moyen-là, c'est des hommes pieux et des saints ou des anges ou des choses de ce genre. Et ils disent, on ne demande pas, par exemple, on ne demande pas à cette personne ou à ce prophète ou à cet homme pieux ou à cet ange directement. On demande à Allah par cet ange. Ou par cet homme pieux, ou par ce prophète, ou par ce messager. Donc ils vont dire par exemple, oh Allah, je te demande par ton prophète de me donner telle ou telle chose. Ou je te demande par le statut de ton prophète. Tu vois? Et les ulama, ils disent que ça, cette forme de tawassul, c'est une forme de tawassul qui est innovée. Parce que les prophètes et les sahaba, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, ils n'ont jamais utilisé cette forme pour demander quoi que ce soit à Allah azza wa jal. Donc, cette forme de demande, de dire « Oh Allah, je te demande par ton prophète », ça donne l'impression que c'est comme si, parce que tu demandes à Allah, tu demandes par cette personne-là, que c'est comme si cette personne-là avait Allah avait une faveur à lui rendre et qu'il est obligé de lui donner. Surtout des fois, ils disent « As'aluka Allah, ya Allahumma as'aluka bihaqqi nabiyika » par le droit de ton prophète. Est-ce que quelqu'un a un droit sur Allah de cette façon, qu'il peut imposer à Allah quelque chose? Non. Hein? Donc ça, c'est incorrect. Et en plus, les ulama ont spécifié, ou ont mentionné à propos du tawassul, qu'il y a des formes de tawassul qui sont légiférées et qui sont permises, et il y en a d'autres qui sont interdites, parce qu'elles sont des innovations, ou parce qu'elles font carrément du shirk. Et parmi ces catégories-là, il y a trois catégories que les ulama mentionnent comme étant des formes de tawassul qui sont licites, comme le fait de faire le tawassul, c'est-à-dire tu te rapproches d'Allah en mentionnant ou en demandant par ses noms et par ses attributs. Donc ça, il y en a beaucoup d'exemples dans le Coran. Il y a beaucoup d'exemples aussi dans la Sunna de ce genre de dua. Et il y a la deuxième catégorie de tawassul qui est de demander à Allah par les bonnes œuvres qu'on a faites, c'est-à-dire nos bonnes œuvres à nous, hein, et notre piété. Donc ça, c'est une forme de tawassul qui est légiférée. Et il y a des exemples de ça dans la sunna aussi. Et il y a une autre catégorie de tawassul qui est de demander à Allah par l'invocation de quelqu'un qui est pieux, mais qui est vivant. Et ça, c'est la condition. C'est que si tu vas demander à Allah, hein, tu demandes à quelqu'un d'invoquer Allah pour toi, hein, par son invocation, c'est ça. Ça veut dire que tu vas demander à la personne d'invoquer Allah pour toi. La condition pour que ça ce soit valide, c'est que la personne soit vivante et que la personne soit présente, qu'elle puisse t'entendre, ou qu'elle puisse, que toi tu puisses prouver qu'elle est présente. Donc par exemple, si tu demandes à un mort, ça c'est du shirk. Tu demandes à un mort de faire des doigts pour toi, ça c'est du shirk, parce que le mort, il n'est pas présent, il n'est pas vivant. Et les sahaba, ils ne demandaient jamais rien au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Il demandait à Allah Azza wa Jal seulement. Et il y a l'exemple justement des sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il lui demandait pour le tawassul, il faisait l'istisqa, hein, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah pour faire tomber la pluie. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il venait demander, il demandait la pluie, il faisait l'istisqa, en demandant à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dua pour eux. Et il disait, comme Omar ibn al-Khattab, il a dit, « Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyika, fatusqina, wal an nas'aluka bi'ammi nabiyika, qum ya Abbas, wad'u Allah. » Donc c'est pour dire que Omar ibn al-Khattab, il dit, « Oh Allah, avant, on faisait le tawassul, hein, par notre prophète, c'est-à-dire en demandant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire le dua pour nous, pour que la pluie tombe. Et tu nous donnais la pluie. Il dit, aujourd'hui, on te demande par l'oncle de ton prophète. Hein? Et il disait, lève-toi, ô Abbas, et invoque Allah Azza wa Jal. et là il invoquait, il faisait dua al-istisqa. C'est donc la preuve que si c'était légiféré de faire le tawassul en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, eh bien il n'aurait pas eu recours au dua de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient demandé directement au prophète après sa mort, malgré qu'il était mort. Mais puisqu'il savait que ça c'est pas permis et que c'est du shirk, il demandait à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, exactement. Un exemple aussi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Omar est parti faire le hajj ou la umrah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ne nous oublie pas dans tes du'as, ou quelque chose comme ça. Oui, fais-nous des invocations. Donc, c'est pour dire que c'est permis de demander à quelqu'un qui est vivant et qui est pieux de faire des invocations pour nous. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Omar ibn al-Khattab à propos de Uwais al-Qarni. Hein? Tu connais Uwais? Il a dit, s'il y a un jeune qui vient du Yémen, il est comme ça, il a raconté son histoire, il a dit, s'il vient, ne le laisse pas partir tant qu'il invoque pour toi, parce qu'il est mustajab ud-da'wa, c'est-à-dire quand il fait un dua, il est exaucé par Allah. Hein, c'est une karama qu'il a. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Omar ibn al-Khattab, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un groupe qui venait du Yémen. Alors il demandait parmi eux, est-ce qu'il y avait un tel qui respectait cette description? Et il est tombé justement sur Uwais al-Qarni. Et il lui a dit, est-ce que tu peux faire des doigts pour moi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que si je te rencontre, de te demander de faire des doigts pour moi. Donc on voit que ça c'est un exemple, yani, clair, que c'est permis de demander à quelqu'un qui est présent et qui est vivant de faire des invocations pour nous. Mais de demander à quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un qui est absent, ou de demander aux djinns ou des anges, ça c'est du shirk. Il y a l'exemple des chrétiens qui prient à Marie et disent, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, ça c'est du shirk clair. Non seulement dans l'adoration, mais en plus dans la rouboubia aussi, parce qu'ils attribuent à Allah une mère. Et en plus, ils lui demandent de prier pour eux alors qu'elle est morte, hein, et qu'elle ne peut rien faire pour eux. Donc ça, c'est des exemples qu'on retrouve clairement chez les chrétiens. J'avais trouvé des livres religieux des chrétiens catholiques, et dedans c'était rempli de prières pour des différents saints, et c'était vraiment rempli d'exemples comme ça, de demander à un saint, un tel, de prier pour eux, et en tout cas toutes sortes de formes de shirk comme ça. Donc ça, c'est des choses qui malheureusement se retrouvent chez certains musulmans aussi, puisqu'ils prient à des tombes et à des saints, et ils pensent que ça c'est en accord avec l'islam et que c'est pas du shirk. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le shirk c'est seulement lorsque tu contredis la rububiya. Mais tant que tu affirmes la rububiya, même si tu invoques d'autres avec Allah et que tu considères que ce sont des intercesseurs, ils disent ça c'est pas du shirk parce que j'affirme la rububiya. Donc il faut bien comprendre que d'affirmer la rububiya c'est pas suffisant pour être musulman. Et c'est pas non plus suffisant pour être sur le tawhid. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que ce point-là, il était un peu plus long. Bien, l'explication était un peu plus longue. Et le suivant aussi demande des clarifications, donc... ou bien sinon il reste juste 5 minutes, donc c'est clair qu'on ne pourra pas le terminer. Donc on va s'arrêter ici inshallah, et on continuera au prochain cours le reste des annulatifs. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.